pour chaper. Souper à l'époque là d'ailleurs. Vent pas vini, chou pour les noms. Ça carrette moi, j'en dis à. Konami. Oh, sur pour chaper. Souper à l'époque là d'ailleurs. Où soleil pas vini, malgré les noms. Ça qu'arrive moi, j'en dis à. L'amour à Jabouz. C'est pas la peine faire rôle, ni grand peine, ben moi. Le doule qui peut que ça lague moi. L'amour à Jabouz. Pas ni magie pour qu'un bessin capati. Ibout. S'il vous plaît. Oh, ça va le plus longtemps. On les cote là qui j'angle moi. Pour l'habitude, ouais, demain sans vous, en que ça relève. Tout trace ou quitter, hein. Même si c'est chez moi qu'a confité, tant pis. Moi que ça l'éveille. Même si c'est en l'ensemble, en cas ça arrive, souris, parler les plus longtemps. Tout l'équipe est que la gueule, quitter l'imbé à facer. Même mon yeux te rive, en tête moi c'est la ja. Pas virer les lindoulins. Moi qui ça lève. Lève, lève, lève, lève. Moi qui ça. Vous êtes bien en Konambi, musique jeudi. On démarre l'émission avec un inédit, une reprise du grand classique de Kassav, Que ça lève. Cette fois repris par Sébastien Drumeau en exclusivité. Vous pouvez voir la vidéo sur le net, sur YouTube, n'hésitez pas. Et on poursuit avec encore une très belle nouveauté qui nous vient directement de l'île en forme de papillon, le titre Papillon, interprété par Sway. Demandez-moi pâti sans vini. En pâté que j'en pâti sans vini. Parce que c'est qui papillon moi. C'est eux qui pâti. En te qui aime gade ou en mi tendier. Plongé en de l'eau glacée. À cour au sol ou cabé. Quand tu vois temps pour méditer. Si ça la native voyé. Et si ça nous qu'a cherché. Parce que la voix fois dit la carrette red panane. Que ou qu'a manqué moi. C'est là où ouais, mon gars colère, red, red, paname, sa glace. Et c'est là où ouais, mes songes. Chanter, aimer, yeah, yeah, yeah, yeah. Qui chanter, aimer, love, qui chanter, aimer, vivre, wow. Qui chanter, aimer, swinguer, à nous, on peut pas oublier. Tout ça, j'ai dit, on peut chanter, bah. Et si elle demande, moi, pâti, son vini. En pâti, que j'en pâti, son vini. Sainte-Anne, sauf qu'on soit ou encore des coupé fin, moi, et tes spécialités qui t'en nous, ça pour me taper pas chahier. Et même si ça red, red, petit moun a au tête pour rien, ça vous qu'a manqué, moi. Ça red, admettre nous pas en mettre, nous pas rien, si t'es en nous, moi, mes songes. Qui chante, aime, bouge, qui chante, aime, love, qui chante, aime, vibre, wow. Et si elle demandait moi pâti sans vini, en pâti que j'en pâti sans vini. passé. Bonne nouvelle et histoire, on n'oublie pas, j'ai effacé. Hélas, fait qu'on sait qui j'ai blasé. Tout pour ça qui est capable de s'élever. Pour nous faire avancer, pour nous toutes songer. Qui j'en ai fait, aime bouger. Qui j'en ai fait, aime l'envie. Qui j'en ai fait, aime vibrer. Wow. Qui j'en ai fait, aime swing. Et aime, on nous peut pas oublier. Tout ça, j'ai dit, nous peut chanter. Yo capé la tête, bon moi point d'ouvant avant d'ouvant pour moi en tête. En qui c'est qu'il est tout, trop bonne pour être vert. Criez moi mes cupcakes, sweet yummy sweet. Better get the best Joe man. Authentique le vrai, la belle là où c'est. Pas comme ces pétasses là qui silicone. Fake bitch, fake mind and fake speech. En besoin arriver au sommet, en pas besoin ça. Criez moi Miss Rossi en cas burn up. J'en ai aussi track last beat, funny time up. Mets tes corps de côté, mets en place là. En calumé, y'a qu'on zip, t'y fais en caille là. Andy, Andy, aka la first miss. Gardé jouer vice, toujours pris fly qui ont G6, yo. Andy, en le track là, yo. En cas chill, y'a qu'à y flipper, c'est ça. Ta wig, à ton caille là, hein. En cas chill, y'a qu'à y flipper, c'est ça. Il si, à la botte, yo. En cas chill, y'a qu'à flipper, c'est ça. Andy, on le track like yo. Yo ka hippie, yo ka hippie, si ça. Yo pa ouais moi rivé, mais yo t'en moins débatché. AG 47 lyrical pour faire yo hélé. Encore on yo fou, wakim si ka on yo soud. Ta vie nous on la relate, la nina poudre. Wiki en moi j'allume ba yo. Burn on haters, réduit yo ensemble ou terre yo. Undertaker, I don't carry up. Big boys, hustle up. Big tune, no beef back. I don't game la. On pa mon chimbele. Ça qui fait fait, fuck check li, get li, lyrics express, hate Madinina first lady, bada we crew, pas besoin pichon les corps, nigga it's true, real see à la prod, fait your brain non stop, passe nous ni bon love by hip hop, yeah, vini vini vini check, take the next step, où ça trouvé moi si mixtape, hein, Andy on le track là yo, en cas you, you can hey yo, t'as la C-F-O-L-A. Nous vivons dans une société, c'est le passé, la radio, la télé qui est important. Mais il y a le monde qui travaille red et nous pas vrai yo. Et yo real si. On parle by you, check it out. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, pas qu'à pas yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, pas qu'à pas yo qui senti. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, pas qu'à pas yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, pas qu'à pas yo qui senti. Si demain des parents décident pas et chercher tes mouna yo. Là yo sorti l'école, pas qu'à pas yo qui senti. Si yo décide papa yo manger avant yo aïe. Pendant des semaines ou que senti, t'as la passé aussi. Si les éboués décident, pas ramasser zordi. Ou que garder yo en d'autres gens, leur sorti. Si boulanger là, pas fait peine la jode là. ça qui aille, mais si pas fait pendant des semaines. Non, ça fait que aille si agriculte t'es pas planté pour récolter. Dis-moi qui j'en nomme mes femmes qui fait pour y'a manger. Je pas qu'à manger ordinateur, ni caméra ni micro. Nous pas qu'à manger bling, ni go voir ni radio. Même si tout le monde pas qu'à faire tout ça au café. En effet, bien, passons tout le monde besoin. Si demain, soleil pas levé, tout le monde qui est les bons dieux. C'est à l'air pour dire merci pour mon œuvre qui est capoté. Y'a qu'à travailler en bas fait, c'est y'a qu'à faire des pas vrai. Mais si y'a arrêté demain, y'a qu'à pas y'a qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si y'a arrêté demain, y'a qu'à pas y'a qui senti. Y'a qu'à travailler en bas fait, c'est y'a qu'à faire des pas vrai. Mais si y'a arrêté demain, y'a qu'à pas y'a qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si y'a arrêté demain, y'a qu'à pas y'a qui senti. Avant qu'elle nous fête, la tête est craque, tourner sans nous. Les nous qui disparaissent, qui continuent, tourner sans nous. Vie en nous qui a passé, qu'on l'a fumé à cigarette. Les ventes en nous qui fait nous mal, nous toutes qui ici des six toilettes. Y'a qu'à utiliser, à l'hôpital pour diviser. Travail, casse, boîte, tout ça c'est pour danser. Nous conchaînes, y'en bise l'autre, même si ni arrogant. Pas des petits travail, si y'a travail bien. C'est travail bien fait, qui a mené plus grand chantier. La rue, la fine, qu'on far west, qu'on ne peut pas les français. Pas moto, ni voiti, ni air max, qui fait avancer. C'est ça qui a dans tête out, c'est ça qui a dans care out. Bonté à l'éternel, pas qu'à faire discrimination. Il qu'a briller, c'est tout quartier et c'est toute nation. Rap en moins rouge qu'on charbon, il qu'a brûlé. On peut pas kembe, c'est Jésus Christ qui qu'a limé. Yo qu'a travaille en bas fait, c'est yo qu'a fait, on peut pas vrai. The West Indies Crew, Da Week. Con Lambi en mode hip-hop créole sur les deux derniers titres extraits de la compilation de Da Week, une production du Hardy Squad, Vilsi à la production. Un projet très ambitieux, hip-hop créole, c'était le premier volume avec on a à l'instant Miss Andy et aussi Fola qui en plus de son album se retrouve sur cette compilation, son album à visage découvert. Et on va juste préciser que c'est le premier volume d'une série de 4 volumes qui doit sortir normalement cette année, à peu près tous les 3 mois, donc allez-y. Téléchargez déjà cette compilation Da Week Hip Hop Créole. On entend encore un nouvel extrait avec Star G, Steady, Flex et Vega. La pression. Passe la vie. Pression. On supporte la pression. En s'évadant tranquillement dans le sang. Et lorsque t'as la pression, ça devient étouffant. Y'a au fond, aller de l'avant. On supporte la pression. En s'évadant tranquillement dans le sang. Et lorsque t'as la pression, ça devient étouffant. Y'a au fond, aller de l'avant. Maman, on pose. Seul pose. En cas plié en bas la pression, pas qu'à craquer en bas la pression, pas qu'à prendre drogue pour sipoter, en savant ni en mission. Oh, ou pas shooter moi, être sans foutre de moi, choquer moi, si ou cas tout témoin, eh ben flouter moi, mais coûter bien, ou peut pas bouter moi. Mais maintenant ma tête la qu'à serrer les dents, serrer les poings, en la qu'à gérer les possibles pas, fin jouer en rêve moi, fatiguant tout comme moi, les démons qu'à tenter influencer moi, savant ni violence sans moi, pas insulter moi, si ou insulter moi, en ken, parfait ou rien, ou qu'à récolter ça aussi, mais et en s'y met plus loin. Ça ou qu'a voué quand vous venez plus d'un. Y'en qu'a voué plus loin qui peut t'en néanmoins. Comme un chat, des nains qui savent défendre moi. Juste en la mort, vilain chez moi. Aikido, Taichi, Kigong. Ou connaître Chimé en moi. Chima, hypopé, c'est Chimé à la vérité. Et si on est dans mon cœur, vous et moi nous connecter. Trace la qu'a suivre là, parce que c'est même. Chenke, passe la vie sans combat contre vous, même. On supporte la pression, on s'évadant tranquillement dans le sang. Ça devient étouffant, y'a au faut aller de l'avant. On supporte la pression, on s'évadant tranquillement dans le sang. Et lorsque t'as la pression, ça devient étouffant, y'a au faut aller de l'avant. Depuis y'a rive, c'est de la salle, y'a pas qu'être bide, y'a j'avoue, y'a voulu parler de ci et de ça. Le bide, y'a pour bouger, vrai, y'a obligé, supporte des pressions là. Poupée, ça fait des sons sans là, hypocrite, dans même session là, supporter, mais y'a solution là. Imagine où j'ai pas veillé, tout rêve en nous, en caveau, frère, qu'à partir de y'a l'autre, t'as pas poudre, y'a fait grand chose, bah y'a aussi clair, ok. A qui goûte, jusqu'à temps, y'a fait mes moyens, y'a dansé, ok. Bon, t'es là, qu'à pas moins fort, j'ai bégré, pas ni trop doulé. Qu'à moi, j'ai tiens, y'a moins, y'a pas guette, t'es ni trop coulé. Qu'à ébloui, viens moins, y'a pas guette, pas qu'à comprendre. gang qui chante la sa vie dans paquet. Moun ka tué moun et sans cesse, mais pour moi ça pas net. Un paquet, ka veille viol les vie à moun si le net. Ça pas net. De voyer un nec avant un nec pour un mail, ça pas net. De voyer un frère ka tué un frère pour un mail. Sous pas ni force et coup à supporter vous-même ou qui d'air. On supporte la pression, on s'évadant tranquillement dans le sang. Et lorsque t'as l'impression, ça devient étouffant. Ya oh, faut aller de l'avant. On supporte la pression, on s'évadant tranquillement dans le sang. Et lorsque t'as l'impression, ça devient étouffant. Ya oh, faut aller de l'avant. Le chanteur s'appelle Doré, encore une nouveauté, le clip est sorti cette semaine et ils nous ont envoyé bien gentiment ce morceau Who My, extrait de l'album de Doré à suivre. On va enchaîner avec un artiste qu'on a déjà eu l'occasion de jouer et même de recevoir dans Conlambi Musique Jeudi, c'est Cacophonie Beatmaker, compositeur, beatmaker, hip-hop créole, Caco Music, qui a sorti un album hommage à Jay Dilla, le producteur américain qui a produit entre autres pour Tribe Called Quest, Slum Village, Erykah Badu, Common, etc. Son dernier album avant de décéder s'appelait Donuts. Cacophonie a sorti lui Sika Coco. Temps et demi, ou trop terrible. Oh oh, quand il passe un café, oui, crie encore qui voilà. Qui problème que ou est cherché encore pour quoi? Ou tout partout en ville, la ni moun canon, mais non, ou si garçon ni ça, j'ai acheté costume pour moi. Ou souvé pas en bas, parole pas vine, raconte un mouvement. Ou son jeu qui j'en capeste, yo fou un bal pour zoma. Ou mais quand il passe, yo vine toucher sur poulot. Ou la haine m'a crié en gros siphon, wow. Ou fait partie moins bien, c'était où t'es kagoumé encore. Ou j'ai blessé moun, mais y'a qui fait sans en couler encore. C'est pour j'en d'ap qui vient chercher même les péqué encore. T'es pour arrêter, même il y'a qu'à répéter encore. 666 coups, ou t'as coué en jadou, point cool si débat rentré, y'a qu'à moun kagoulé. Le pire c'est qu'elle ou senti bourdoué. Sans m'y à peine si on y en 18 ans et demi. On va trouver qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi couteau j'a déchiré, quoi, dis-moi si c'est yé qui problème qu'on s'arrête au béni. Sans mi, dis-moi si you pas qu'à tout vous sauter. Pour si tigre, y'a obligé, par tout ça au béni. Pas le j'a chicaillé, quoi, arrêtez, faites nous couler, y'a donné si la maman ou Thierry. Et chaque jour c'est une nouvelle histoire, vie à un danger. Mais toute famille a aussi ni espoir. Des vœux changer où j'arrive jusqu'à. Vinzi me dit que ça. Y'a qui vous qu'épée comprendre si bon parce qu'elle nous pas étranger. Vous savez, amis, ou ni chance. Ou j'a descendu si ou en silence. Ou j'a blessé ou crevé ou chaillé ou en ambulance. Trop mauvaise influence, qu'à faire vivre dans la méfiance. Un jour comprendre que où t'es mort. Les yon bat fou un jour dimanche. Sami, y'a peine si ou ni en 18 ans et demi. On va trouver qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi couteau j'a déchiré, quoi, dis-moi si c'est y'a qui. Problème qu'on s'arrête au béni. Sans me dire si you pas qu'à tout vous sauter. Pour si tigre y'a obligé par tout ça au béni. Pas le fils si j'a chicaillé quand wa arrêtez fait. Nous couler y'a donné si la maman ou Thierry. Hé, vous collez Bouga? Vous pas répondre moi? C'est mal Thierry. Exclusivité. Enfin, toute nouveauté. C'est l'album de Missier Sadik à cœur ouvert. On vous conseille fortement d'acheter une très grosse production qui vient tout juste de sortir, le titre Thierry avec Zagalo en featuring. On va terminer cette sélection des nouveautés avec ISS Majumba, extrait de son maxi avec le titre Missier Guillou. ISS Majumba qui vient clôturer la première partie de l'émission avec la sélection de nouveautés du mois. On rappelle Conan Ambi, musique jeudi, premier dimanche de chaque mois. Un panorama des musiques actuelles, contemporaines, en provenance des Antilles, de la Caraïbe et des terres créolophones. La deuxième partie de l'émission va être consacrée au sujet Powell la voix, qu'on aurait pu dire plus simplement Spoken Word. En fait, on va repartir tout de suite jusqu'en 1962 avec un enregistrement très intéressant de Florius Malcousu avec, entre autres, Tiraoul au répondait. Et si je me réfère au crédit et au texte qu'on peut retrouver dans la pochette, celui qui est à l'origine de cet enregistrement, Alan Lomax, nous dit que la cadence, le flow de Florius Malcousu rappelle beaucoup le style populaire en Martinique dans les années 90, le raga qu'on dit provenir de la Jamaïque. Et en entendant Florius, on peut se poser la question d'où ça vient exactement. On écoute tout de suite. Maï mama wou de moi aller. Répond la voix wou de moi aller. Mama mama wou de moi aller. Répond je la wou de moi aller. Répond je la wou de moi aller. Mama mama wou de moi aller. Ni la voix wou de moi aller. Allez, bon matin, papa, les bébonnets. Allez, à la messe, parlez, baillez ma vie, ma fille n'a pas répondu. Allez, vivez, montez, votre cas d'Ali. Allez, à la tuline, maman, café. Passez derrière les gars, le voyez, fait sali, bagala, t'es gavini. Parez, des piti. Parez, chapeau, allez, des piti. Allez, la pharmacie, attendez, en bétine. Allez, vivez, montez, parez, bagala, bagala, qui répondit, cala, gata, allez. Hey, maman, vous d'un moi, allez. Répondez la voix de moi aller. On pourrait croire qu'il s'agit d'une rencontre entre le belay et le raga. Pas du tout, il s'agit d'un enregistrement que nous a ramené Alan Lomax de son voyage en Martinique en 1962. Tout ça pour dire que les musiques jeudi, musiques d'aujourd'hui, puisent leurs racines et leurs sources dans les musiques d'avant. On continue avec un titre de l'AM4, La Rivière Les A. Catherine Carlos, jeunesse La Fontaine. Comment qu'à monter, ouah, mettez bouger, brûler. Comment qu'à descendre, mettez l'huile, mettez lumière. Et au point, Renoir soldat. Yeah, yeah, yeah. Renoir, c'est quoi moi, côté papa. C'est Yish Madame Bouteau. C'est Monsieur accompagné Gilles Magellan, Octave Pandi, François Bou. You fait complot, you baqué loi, frère. Yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mama, il a la jeppe et t'es maroc. Colonel Copin, spléman des soldats d'engagement, bonne volonté. Alors, tant de bateau à entrer. Ouais, vini avec. Maman, moi, qu'a porté la poste. Yo, le, yo, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je laisse actuellement, pas ni on qui aime travail. Yo, qu'a laissé place, yo, théâtre au casino. Chabonnier, pas qu'à entrer pour aller l'accompagner. Belle brune, pour acheter un brune, pour y'a peu ou le coyo. Oh, yo, yo, yo. Mais ça, oui, maman. Ouais, hier au soir, m'a la rivière les a. M'en fait l'encontre avec la belle princesse. Maman, son temps dit non, moi, maman. Ou à mes temps bouger, brûler, bah, moi, pas au bébé. Ouais, yeah, yeah, yeah. t'es qu'à tombé. Ton épice éclaire t'es qu'à rouler en ciel bleu. Palpitation du cœur t'es qu'à émotionné. Oui. Doudou moi, laissez-moi, c'est là mon point chagrin. Yo, yo, yo, yo. Maman, maman, maman, si vous voulez voir moi, c'est tout un jour. Comptez mon consacre à balancer, consacre à biguiner, consacre à faire wap mateli, consacre. Yo, qu'à faire wap matelo, oh bébé. Et oui, là, c'était la M4, la Rivière Les A. On est dans la sélection Parole, la voix. Et en fait, on va rechercher dans différents sons traditionnels l'influence qu'on pourrait attribuer pour tout ce qui est aujourd'hui du slam, du spoken word. On ne sait pas quel mot mettre évidemment dessus, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a les sources, les origines de ces nouveaux styles qu'on entend aujourd'hui. Dans les musiques traditionnelles, à l'instant, c'était la M4 sur un style bel air, on va dire, du spoken word sur le bel air. On poursuit avec Guy Corneli et le titre Guadeloupe. Guadeloupe. Ah, matador, ça fait affaire. Pour ça, pour femme, pe fou fait. Grand bonheur, t'es tout ou en Atlantique, ka baigné tico de jeune fille esthétique. Espagnol vagabond, mettez mes asicoao. Ou qu'un bered, ou font réticence, ou pas plaire l'aide. Français vini, ou t'es jappé de la virginité. Mais ou t'es belle, pour yo sauter, mater. Yo point coup, laissez coup. Et yo retourné, ah matador, ou ça fait affaire. Anglais manger bec, ramasser sa ibot, vigné grand vralier, chapé à dambot. Ou la ka gade moun goumé duboutoka. Tini koui, tini las. Ou panyon ou pa afeka. Li botze l'arrêté, et autres ka fait enfant, a pas jodi ni yé, mais c'est depuis nani nana. Ah matador, ou ça fait affaire. Le les souhaits vini pour li mesidé. Non pas bobèche, c'est au qui l'a six pieds. Les matins, la badjou cassé, c'est grand néon qui a fait briller six pointes des châteaux. Ah, matador, où ça fait affaire. Toute vie souni, c'est vie sa moun vini. Ou t'ini yo pas pilo, qu'on piquant, a pini. Ou aime femme, ou aime nom. Mais ça, si tout aime en pile, c'est rhum. Ou qu'a pas cannelle, petit citron, lélé, muscade. Ou qu'a pas giromon, piment. Malanga, c'est marinade. Et le regardé, zafé en mêlé. Ou pris, longtemps ou à dans tobolo. C'est pas les poupons mépris. Grand mouchoir piqué au vent, fou la cari. Grand jupon qui a parlé langage à foufou et sissi. Belle petite poitrine à mango pomme. Tizye dou, c'est vous. Et de boutoka, oui, belle de dos. Pour yoka fait ses volants. Neg marron, tout n'est toupi. Pète pied tête, vini vent vent. Oui ma fille, oui madame, c'est où qui femme? On parti pas qu'à comprendre comment on s'en mat ou femme. On fait mon longtemps valser. La gué Canada, pas sous tes femmes, debout si ça go out, monte à dada. Ti moun a ou point fret douvant qu'on deye. Ou mari rien à ou et quoi ou red deye. Ou fait chimen chien, ou fait quatre chimen. Ou crié, tantôt, attendez. La rurale de Guadeloupe. La rurale de Martinique, la rurale créole tout simplement, transmission orale, l'art du conte. On retrouve toutes ces racines pour tout ce qui est parole, la voix, spoken word, slam aujourd'hui. Et on va écouter tout de suite, on va retourner en Martinique avec peut-être l'un des slameurs les plus connus. Avant qu'on parle de slam, c'est Joby Bernabé sur le titre « Chimé moins ». Mon idée pied, c'est pas quatre pieds, mon idée. Devant moi, t'es une idée, chimère. Mais c'est en selle, fallait en te prendre. Chimère en walk à Montéa, c'est pas d'autre qui chimère, chez moi. Mon en selle, t'es ma panne idée, t'es. Chimère, chez moi, c'est chimère, pays-moi. Mon idée, c'est pas en seul, mon idée. Devant, c'est moi. Des oiseaux cabaïbal. En rouge gold. Et quand vient rapace. Mais en seul, ces oiseaux, c'est moi. T'es pas d'autre qui t'y rouge gauche là. Moi, n'y en seul, c'est mon panier de tchè. Ces oiseaux, pour moi, ces oiseaux, c'est moi. Manité, l'homme, c'est pas celle, l'homme, manien. L'homme, moi, la balette, moi, pareil. Zouézo, à Wanka, Vizéa, c'est pas d'autre qui vient rapace là, Kama, Kaye, Tché, pays moyen. Manien, c'est Tché. Mon, pas l'idée, Tché. Tché, pays moyen, c'est concis, c'est Tché, moi. L'amour rouge gauche moyen lent qu'on vit, tiens moi. La balette moi, pareil en l'homme moi. Manque à penser à souche, mais moi. M'en était mâché pour mâcher. Avant m'en dépendre, grâce l'envoi. Grâce à la vie qui te jase si la terre. Chaque bitin vin bitin par rapport ton bitin. Grâce à la vie qui te jase si la terre. Chaque bitin vin bitin par rapport ton bitin. Papa ta fouille à pein yo pein yo haché bâtiment se yo voltige en l'huile chaud qui est le choui. Fuit vin fuit. Tout fuit c'est fuit. Fanny fuit qui pi fuit qui d'autre fuit. Fuit ta fouille à pein. C'est fuit. Repon fuit ta fouille à pein. C'est fuit. Fuit ta patate. C'est fuit. Fuit ta banane. C'est fuit. Fuit ta malanga. C'est fuit. Fuit ta d'or. C'est fuit. Fuit ta ramagnoc. C'est fuit. Tout fuit c'est fuit. Fanny fuit qui pi fuit qui d'autre fuit. Pati ni fuit qui pi fuit qui d'autre fuit. Mais toujours songer chaque fuit là. Ni gouaï qui taille. Fuit ta patate. Ni gouaï qui taille. Fuit ta malanga. Ni gouaï qui taille. Fuit ta kamanyok. Ni gouaï qui taille. Fuit ta d'or. Ni gouaï qui taille. Qui taille, qui taille, qui taille, qui taille, qui taille, qui taille, qui taille, qui taille. Si y'a pas vrai pas dit hack, c'est vrai frapper la main des mains. Si y'a pas vrai pas dit hack, c'est vrai frapper la main des mains. Why? Mida voilà. Voilà, la prière du soldat de la résistance culturelle. C'est dames, bonjour. Il dit ça qui va aller dans la haute taille pour personne pas commander yo. Et bien ça qui va aller à cheval, pas mettre bouti. Actuellement, nous allons aller chercher en bas de là, à la promenade pour commander. Bon matin, nous allons jouer chin. Et puis après-midi, le tour de yol fait commencer. Marchez pas danser, marinade va c'est arrivé à l'aide compter. Mon nom va Josh la passe quand il faut fournir cacao. Misez et puis prenez vos cartons. Première boule, jonglez yo, on fera si mon désir est à tout grandi. Tout ce qu'on prend pas, jour de Noël, jour de réveillon, c'est 25. Aïe aïe aïe, mademoiselle, je vous fais des compliments. Allez, les hauts cavaliers, douciné. C'est qu'il y a eu un vide de cacao, hein. Aïe, traversez. Toi, Joshua, arrivé sur le port de Marseille. Ma peur, ne perdez pas une boule. C'est toi de la main qui s'en sont apprentis cordonniers. D, Zébli, Zé Argenti. 6, ciseaux qui n'est pas net, assuré par moi le prieur, coupé chivé jogo. Traversé, 7, saison des fleurs, saison des haricots. Yo dit barré volé, yo pas dit barré pitain pour 10, si pitain qu'a jambé la rivière. 11, flon-flon gouverneur de la Judée. 4, ma cac tombé, dans Icac, le jour de Pâques. Nenen, mon passé, mon forcé. Mon lui, voyons la nous. Boum, 90. 20, Chopin Chauvin. A combien vendez-vous votre litre de vin? A 66 pour le litre pour 66. Parterre, 39. 14, l'homme fort, l'homme tonnerre. Laissez-moi, arrêt. Un bateau de biscuit est arrivé. Mon fait chine. Mon fait chine. Bon, c'est les dames. Il a tout d'ailleurs qui a commencé après. Après la prière du soldat de la résistance culturelle de Lucubert Séjour, à l'instant c'était Dédé Saint-Prix pour un style chouvalbois, chelchet, et toujours cette influence, ce style qu'on dit aujourd'hui spoken word, parole, la voix. On est allé chercher dans les artistes historiques. On va maintenant revenir dans les artistes plus récents avec toujours cette même influence. On écoute tout de suite Benaja. Ou toujours bison pipitikiou. En cas d'accord. Et ou toujours bison pigankiou. En cas d'accord. En nous pointant comprendre nous. Pour chocolat, nous pas j'ai fait crasse. Mes amis, si la vie sont pieds bois, ni ça qui sorti en terre, et ni ça qui pipre ciel blé là. Mais toujours songer que nous tout en bail. Allez là, c'est génération micro-ondes, dit fait à toi, wesh, passe la mode. Mais petit qu'on grand, nous tout bis impatience, nous tout, à pas j'ai, hein. Nous bis impatience qu'on a sa marin pêché. Patience qu'on boit à crabe. Patience. Merci. Pardon. Souple. Après qui embouchat, si moun mou sa sorti. Je dis qu'on s'en va fait si moun, mais on pas fait sentiment yo. Mais on nous fait ça nous pays pour yon aimer l'école qu'on bisuit d'où. Pour yon aimer parole à bondi qu'on sika koko. Je dis ça. Si vous bien gardez, dès le lot, dès l'amour qu'a fait, on fait des bitins qu'on pas aimé. Santé qui aimé, c'est vrai parole à bondi, c'est toute place à pays là qu'on beau quitte. Passa dans des cases, longtemps l'amour si dit fait mais pas cuite. Jésus-Christ c'est moi. En fait qu'elle nous fait yon qu'on graffitier maçon. Graffitier maçon. Si vous avez de l'argent pour acheter livre ou écaillé, quand ça a servi de mettre 120 euros en paix soulier, c'est ça qui en dit dans le cœur et en dit dans la tête, à ou ramener en côté. Grand monde dit que c'est sacrifice qui a mené ou dans le jardin succès. On nous prend temps côté nous, on nous prend temps côté nous, on nous prend temps parler, on nous prend temps parler. Déposez chez à un moment, déposez. Et vous, déposez journal à un moment, déposez. Génération en moins qu'à vivre en avance rapide, les habitants la bande, ils comprennent les dix qu'ils peuvent faire retour rapide. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ha, ça a fait des enfants mal. Papa l'an des vieux là, les nobles des hasards. Ah ouais, messieurs. Longtemps vous êtes sans asier. Mes amis. Si la vie son tête plein chivé grené, la foi en l'éternel son peine à demeurer. Allez, bazou. Ou toujours bison pipitikiou. En cas d'accord. Ou toujours bison pigokiou. En cas d'accord. En nous pointant comprendre nous. Ou chocolat nous pas j'ai fait crasse. Minou, minou. Bouche fermée, les oreilles ouvertes. Qu'on s'élève devant professeur. Nous voulons connaître l'histoire via Zot pour nous savoir qui j'ai écrit en nous. Parlez ben nous. Connaître l'histoire rêve à Zot pour nous savoir qui j'en vive en nous. Dis-nous. Dis-nous en qui toi la boue depuis à Zot tombé pour nous. Et vite yo, jambé yo. Montrez-nous en qui mon à la vie monter à Zot calé. Pour nous prendre d'autres chemins à un autre côté. Je dis que même si Foufou qui a couru fou, ils savent la nichaille Zot. Bien couru, alors dis-nous la norme à Zot posé. Grand monde qui a échoué à pétrole. Les flammes à yo baissé, c'est main à l'éternel qui a refait danser. Alléluia. Entendu dit que grand monde et timoun contre l'eau et l'huile, y'a pas qu'à mélanger. Et pourtant, quand nous méformes, y'a un bise l'autre. Les l'esprit à timoun en tout sens, qu'on chien qui sorti 6 ans piquant. Les anciens ni paroles pour sagesse fait y'a revine en mi-temps. Mais la force à vieille coq à bout, c'est la force à timoun qui a commencé passe. Timoun c'est commencement. Timoun c'est amusement, timoun c'est. Prends un coup de tuyau de là pour un bitin et prends pas la virée de même pour même bitin. Si monde c'est apprendre à tomber avant de connaître marcher. C'est connaître aimer avant d'apprendre à juger. C'est apprendre à coûter avant de connaître parler. C'est connaître toucher avant d'apprendre à garder. Si tout monde c'est tête en pied bois et grand monde c'est racine. C'est même sève là qui a coulé pour nourrir brancher feuilles. C'est même la pluie là qui a rosé, qui a mouillé. Et c'est même soleil là qui a chauffé, qui a séché. Ou toujours bison pipitikiou. En cas d'accord. Ou toujours bison pigokiou. En cas d'accord. En nous pointant comprendre nous. Pour chocolat, nous pas j'ai fait crasse. Un soucha gade zos yeux volés. Zos yeux ouverts zélaï pour y planer. Enlève vie en nous, non. Mi, c'est pour ça en gade zos yeux volés. Mi, c'est pour ça en gade. volé. Mi c'est comme ça la vie la doit tête rouler. Mi c'est comme ça. En cas où vous la moins, en fait voler. J'ouvre. Zos yeux ben moins c'est là et on joue ou moins peut voler. Pi bel rayon ciel pour pi bel plume coulait. Moi t'es qu'à chanter tout l'est. Enchanté si tôt la pi t'es qu'à couler. Jouer en de l'eau la bi t'es qu'à rouser. Ramasser feuille après feuille pour faire niche. En savent si qui branche en peut poser. En aimé garder zos yeux voler. En aimé garder zos yeux planer. Enlève en nous, non. En isel, pour moi peut voler, pour moi peut voler, voler, en ciel. En isel, pour moi planer. Parole la voix, sélection spéciale. On a entendu maintenant des titres plus récents, notamment Yonalot de Benaja et Zelle de Miminelzi avec Dory, slameuse de Guadeloupe. Et on voit donc l'influence jusque dans le hip-hop. On a vu aussi au tout début dans la sélection avec Tiraoul, Florius Malcousu dans le raga. On va entendre encore une dernière. Un dernier son, on va dire, récent d'un artiste nouvelle génération, Timalo avec Tout en Pomo. Tout en Pomo ou pour fin vrai. Guadeloupéen, nom et femme, riche qu'on pauvre, jeune qu'on vieux, y'en a l'autre à s'y marcher. Tomate pays. Poyo pays, zonion, thym, poule, bœuf, zé. Tantôt c'était pité indépendantiste. Pour louper un yen à l'autre, chaque monde peut manger sans yen manger l'autre. Tout temps pour moi. Pour fin vrai, créole marqué, créole comprendre, créole à la télé à français, créole si panneau à la commune et à publicité, créole en bouche à ministre et à préfet, créole tout partout, tantôt c'était un lité à indépendantiste. Guadeloupéen, yen et l'autre, chaque monde peut parler pour yen comprendre l'autre. Pour moi ou pour fin vrai. Si mon pays là, docteur, avocat, dentiste, professeur, scientifique, autiste, un bon épée qu'à virer. Mettre pied à yo en terre à pays là. Mettre tête à yo en problème à pays là. Mettre cœur à yo en homme à pays là. C'est rien qui en commencement. En début, midomisation. Tantôt c'est ton rêve indépendantiste. Guadeloupéen, y'en a pilote, chaque moun en ripage pour détortiller Guadeloupe. Tout temps pour mort ou pour fin vrai. Nous j'avoue coco vête tombé et coco sec rété en pied. Alors qui moun qui peut dire moi, rêve indépendantiste peut pas réaliser demain. Dis-moi, rêve indépendantiste. Peut pas réaliser demain. Qui moun qui peut dis-moi? Qui moun qui peut dis-moi? Rêve, rêve à papa moi. Peut pas réaliser demain. Qui moun qui peut dis-moi? Qui moun qui peut dis-moi? Rêve, rêve à maman moi. Qui moun ki peut dis-moi? Qui moun ki peut dis-moi? Rêve en moi, rêve en moi. T'es pas réalisé tellement. Sélection Parole la voix à l'instant, tout en pour mode Timalo, Kimoun Kipe dit moins. Et on va conclure, puisqu'on a un peu de temps pour terminer l'émission, avec une adaptation d'un poème de Moncho Hachi, Mahonaise, interprété par Colo Barst. La misère, c'est frère, la misère. Crio, crio. Malais, toujours appelé malais. La misère, c'est frère, la misère. Jeudi jour, grand jour. Jeudi jour, bel jour. Jeudi jour. Mahonaise prend bois. Jeudi jour, en Mahonaise veille la ligne serrée pour y prendre bois. Il fait chemin derrière, machin les cabris de bois. Mettez crichette qu'à babiller. Restez pour des autres paix. Paix des autres chey. Paix des autres chey. Paix des autres chey. Et puis vous voyez qu'il y a la nuit noyée. En femme levée. En femme debout. Ça va nous apprendre les faits. Courage, journée pour exécuter. Travailler sous tes pays. Souple, faut coucher. Si vous les baillez, chou manger. Courage, journée pour exécuter. Travailler sous tes pays. Souple, faut coucher me. Sous les bails, chou manger. Depuis journée que la plante en pays. Calé, cavini, cassoin, cassoué, capoté, excipoté, cabat, cadébat, tête douette, tête fière, remarré, net troussé. Bien campé à sous tes pieds. Bien campé à sous tes pieds, à sous tes pays. Tout koi. Tout koi. C'est pays à même. Koi même, c'est tout un pays. Et puis chemin, et puis trace. Et puis fraîcheur, et puis chalet. Et puis ravine, et puis monde. Et puis monde qui a répondu par tout bord. Un pays job. Un pays vidjo. Un pays vidjo qui n'est pas mal encore. Un homme gardé, des yeux éclairés, il dit joy malfam, joy malfam. Crio, crio, malais toujours appelé malais, la misère c'est frère, la misère. Crio, crio. Malais toujours appelé malais. La misère c'est frère, la misère. Quoi jour ni pour exécuter. Colo Barst qui vient terminer cette sélection. Spoken word, parole la voix. Vous êtes dans Musique Jeudi. Je rappelle, le premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP. Connectez-vous et écoutez toutes les nouveautés et les différentes thématiques qu'on cherche à aborder pour vous présenter tout ce qui se fait de neuf dans les musiques antillaises, créoles, caribéennes. Dans tous les styles, on mélange un peu tout. Aujourd'hui, on a pu entendre reggae, hip-hop, soul et bien sûr toutes les musiques traditionnelles qui influence le spoken word d'aujourd'hui. Et ben, je vous dis à la prochaine. C'est toujours Conan Ambi, tous les dimanches. Philosophie. La philosophie. Fok ni filosofi pas pale kreyol se pli bel poezi atan lang maman nou ni diferan ni nivè pas ni sa ou katan ek ni sa ki degè se pou sa fok pan tou fan peles pri yamache pou pa met lan men an tèt ou pa bizwen pan kache trop parol ka fè an liv ek nou mili.